Bonjour et bienvenue à cette séance de méditation spécialement conçue pour induire des rêves conscients. Cette méditation est idéale à pratiquer juste avant de dormir, dans un endroit calme et confortable. Trouvez une position confortable, allongé ou assis le dos droit. Fermez doucement les yeux. Laissez votre corps s'enfoncer dans le sol ou dans votre matelas. Prenez conscience de votre respiration. Inspirez profondément par le nez, en gonflant votre ventre comme un ballon. Retenez l'air quelques instants. Puis expirez lentement par la bouche, en imaginant que vous soufflez sur une bougie pour la faire vaciller sans l'éteindre. Continuez à respirer de cette manière, en vous concentrant sur le mouvement de votre ventre qui monte et qui descend. Laissez chaque inspiration vous apporter calme et détente, et chaque expiration emporter les tensions et le stress. Portez maintenant votre attention sur vos orteils. Contractez-les pendant quelques secondes. Puis relâchez complètement la tension. Ressentez vos orteils devenir lourds et détendus. Remontez vers vos mollets. Contractez les muscles fermement. Puis relâchez. Vos jambes sont à présent entièrement détendues. Concentrez-vous sur vos cuisses. Tendez les muscles, maintenez. Et relâchez. Sentez vos jambes s'alourdir dans une relaxation profonde. Continuez avec votre bassin et vos fessiers. Contractez les muscles. Puis laissez la tension se dissiper. Votre bassin est maintenant complètement détendu. Passez à votre ventre. Contractez les abdominaux, puis relâchez. Votre ventre est désormais parfaitement relâché. Remontez vers votre poitrine. Inspirez profondément et retenez votre souffle. Expirez lentement et sentez la tension s'échapper. Votre cage thoracique est totalement détendue. Portez votre attention sur vos mains et vos bras. Serrez les poings et contractez vos biceps. Relâchez et laissez vos bras devenir lourds. Haussez maintenant vos épaules vers vos oreilles. Maintenez la contraction. Puis relâchez. Vos épaules sont à présent détendues. Contractez les muscles de votre cou et de votre visage. Froncez les sourcils. Serrez les dents et plissez les yeux. Puis relâchez. Votre visage et votre cou sont maintenant paisibles et détendus. Votre corps tout entier est à présent profondément relaxé. Continuez à respirer lentement et calmement. Votre esprit peut vagabonder, c'est normal. Accueillez ces pensées sans jugement, puis ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Imaginez que chaque inspiration vous remplit de calme et de paix, et chaque expiration vous vide de vos pensées parasites. Imaginez maintenant un lieu paisible et réconfortant. Un lieu qui vous inspire la sérénité et la joie. Cela peut être une plage ensoleillée, une forêt luxuriante, un sommet enneigé, ou tout autre endroit qui vous attire. Explorez cet endroit avec tous vos sens. Sentez la chaleur du soleil sur votre peau, la brise légère qui caresse votre visage, le parfum des fleurs qui flottent dans l'air. Entendez le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, le clapotis des vagues. Voyez les couleurs vives qui vous entourent, les détails de la nature, la beauté de ce paysage. Dans cet endroit paisible, répétez mentalement ces affirmations, en les laissant résonner en vous. Je suis ouvert à l'expérience des rêves lucides. Je me souviens de mes rêves avec clarté et précision. Je suis conscient de rêver lorsque je rêve. Je contrôle mes rêves et vis des aventures extraordinaires. Répétez ces affirmations plusieurs fois, en ressentant leur vérité profonde. Imaginez-vous en train de vivre des rêves lucides, en contrôlant vos actions et en explorant des mondes fantastiques. Ressentez la joie et l'excitation de cette nouvelle liberté dans le monde des rêves. Savourez la sensation de pouvoir voler, de traverser les murs, de réaliser vos désirs les plus fous. Quittez maintenant votre lieu paisible, en gardant en vous la sensation de calme et de confiance. Revenez progressivement à la conscience de votre corps allongé. Recentrez-vous sur votre respiration, qui est maintenant lente et régulière. Sentez le poids de votre corps s'abandonner à la gravité. Laissez aller toutes les tensions restantes. Imaginez maintenant que vous flottez sur un nuage moelleux, bercé par le rythme de votre respiration. Vous vous sentez léger, détendu, en paix. Répétez mentalement cette phrase. Lorsque je m'endormirai, je prendrai conscience que je rêve. Visualisez-vous en train de vous endormir et de plonger dans un rêve lucide. Vous reconnaissez les signes, vous prenez le contrôle, et vous vivez des aventures extraordinaires. Laissez-vous aller à la somnolence, en sachant qu'à chaque fois que vous dormirez, vous vous rapprocherez de la réalisation de vos rêves lucides. Votre corps est maintenant complètement détendu. Visualisez votre esprit comme un ciel nocturne clair, où les étoiles scintillent, représentant vos rêves lucides qui prennent vie. Ressentez la gratitude pour cette pratique, pour le calme et la paix qui vous habitent. Gardez cette sensation de bien-être en vous, prête à vous accompagner dans le sommeil et dans vos rêves. Lorsque vous vous sentez prêt, commencez à ramener doucement votre attention vers l'extérieur. Prenez conscience des sons autour de vous, de la température de la pièce, de la sensation de vos vêtements sur votre peau. Bougez doucement vos doigts et vos orteils, étirez-vous lentement si vous en ressentez le besoin. Prenez votre temps, il n'y a aucune urgence. Lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez doucement les yeux. Prenez quelques instants pour vous asseoir tranquillement, en savourant la sérénité et la paix intérieure que vous avez cultivée. Vous êtes maintenant prêt à vous endormir paisiblement et à accueillir des rêves conscients et magiques. Cette méditation vous a préparé à entrer dans le monde des rêves lucides. Pratiquez-la régulièrement pour renforcer votre capacité à devenir lucide dans vos rêves. Bon voyage dans le royaume des rêves lucides.